بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأوفاه، الحمد لله القائل في كتابه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والصلاة والسلام على القائل كما خرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وبعد. Les frères, si vous pouvez avancer, surtout du côté de la salle, comme ça ceux qui rentrent, ils trouvent de leur place. عنوان المحاضرة عذاب النار ونعيم الجنة. Donc, Allah dit dans le Coran, dans le sens rapproché, le jour où cela arrivera, nul homme ne parlera qu'avec sa permission. Il y aura des damnés et des gens heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Sourate 11, verset 104 à 108. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans les deux recueils authentiques, le hadith d'Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer, le paradis a été entouré par des choses que l'âme déteste. Et l'enfer a été entouré par des choses que l'âme désire. Donc le sujet de cette conférence, c'est le châtiment de l'enfer et les délices du paradis. Avant ça, on va juste parler de ce qui s'est passé hier de manière concise à la prière de l'Isha, parce qu'il y a des sœurs qui ont pris peur, il y en a certaines d'entre elles qui ont coupé leur prière. On ne sait pas exactement de quelle manière, parce que la question qui m'est parvenue n'était pas claire, mais je vais parler quelques minutes inchallah sur ce qui s'est passé hier. Et concernant la prière d'hier, ils ont coupé en groupe, après il y en a qui ont continué, etc. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين، أما بعد، ما حصل البارحة في الحقيقة أمر عالي، فالإنسان قد يتعرض لمثل هذه الأمور، والواجب علينا عباد الله أن نتثبت وأن تكون الأمور بحكمة، ومن كان مريضا خاصة يعني بعض الأخوات أو الأخوة مر بالسرع، وهذا السرع ثابت، مس من الشيطان من الجن يحصل، يعالج له رقيته الشرعية، لكن البارح وقعت قلاقل يعني فورا، منهم من قطع الصلاة ومنهم من أخذ يصيح، وبعض الأخوة ربما دخلوا عند النساء، هذا ما ينبغي. إنما باختصار كما أقول يعني من كان مصاب يعني بالصرع أو الجنون فليبقى في بيته حتى لا يؤذي غيره، ولا يترتب على وجوده يعني فوضى كما حصل البارحة. بارك الله فيكم أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لأمر الصلاة الشيخ منهن من قطع الصلاة ثم يجوز قطع الصلاة إذا كان أمر يعني يتطلب نعم يقطع الصلاة الأسودين الأسودان العقرب والحية. فالإنسان إذا كان في الصلاة وجاءته حية وعقرب أو لأمر ضروري فلا بأس أن يقطع الصلاة لا يضر. وعليهن يعني أن خوات أن يعدن الصلاة أو يلتحقن بالإمام فإذا سلم الإمام أتممنا صلاتهن. أي نعم. ومن لم يتم الشيخ بعض الأخوات ما أتممنا الصلاة إذا فعليها قضاء تقضي الصلاة تقضي الصلاة ما لم أنها لم تصلي. طيب طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد donc juste le chef il a dit par rapport à ce qui s'est passé hier c'est que c'est une chose qui est courante qui se passe chez nous. Et il est obligatoire, justement, quand une de ces choses dans ce genre se passe, que la personne se raffermisse et contrôle la situation avec sagesse. Et quant à celui qui est malade, d'une manière générale, spécifiquement à celui qui a été touché par un shaytan, c'est-à-dire la personne elle est possédée, il se soigne. Et parce qu'il s'est passé comme hier, justement, parmi les gens, les hommes spécifiquement, ils sont rentrés chez les femmes, ou d'autres qui ont complètement arrêté la prière, et d'autres choses comme ça. Et donc le conseil que Chéri donne dans une telle situation, c'est que la personne qui est malade, elle reste ou il reste chez lui ou chez elle, le temps qu'il se soigne. Et le frère, il avait posé la question justement par rapport à ceux ou celles qui ont arrêté la prière. Il est permis justement à la personne d'arrêter sa prière parmi les raisons qui ont été citées d'après les hadiths authentiques, c'est-à-dire le serpent ou le scorpion. Mais dans le cas de nécessité, il est permis à la personne d'arrêter sa prière. Et à la personne, dès que cette nécessité-là s'est enlevée, de continuer sa prière si l'imam il est encore en prière ou de continuer sa de faire sa prière dès que l'imam il aura fini. Et je vais s'arrêter là. Allah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك، جمعنا على ذكره وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفرتم الملائكة وغشيتم الرحمة وندت عليهم السكينة. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، عنوان المحاضرة كما سمعتم عذاب الجنة عذاب النار ونعيم الجنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات. ومن دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الله، هل وقف أحدكم يوما أمام حريق هائل مروع قد شب في بئر من آبار البترول، أو شب في حقل من الحقول، أو شب في مصنع من مصانع الغاز، أو شب في بيت من بيوتنا؟ هل تعلمون عباد الله أن هذه النار التي لا يجرأ إنسان على أن يقترب منها إنما هي جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، من نار جهنم؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. هل تتصور يا عبد الله أن النار قد اشتكت إلى الله جل وعلا، ترى مما اشتكت من شدة حرها ولهيبها وزمهريرها؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية الترمذي: وأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فالسموم، إنها السموم. قال جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنها سقر قال جل وعلا وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إنها الحطمة تحطم من دخلها قال جل وعلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مصدى في عدد ممددة في عدد ممددة أي مغلقة نعم عباد الله أتدرون ما يقودها وقودها الناس والحجارة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله تأتي النار يوم القيامة واسمع معي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن مجيء النار فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يومئذ لها 70,000 دينار مع كل دينار 70,000 ملك يزرونها فإذا رأت الخلائق زفرت وزمجرت غضبا لغضب الرب جل وعلا قال جل وعلا وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا وزفيرا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لها شهيقا وزفيرا حنقا عليهم كما قال جل وعلا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها وغضبها على من كفر بالله جل وعلا الله أكبر جهنم ترى يوم القيامة جهنم تسمع يوم القيامة جهنم تبصر يوم القيامة جهنم تتكلم يوم القيامة قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد من الكفرة هل من مزيد من المنافقين هل من مزيد من الفجرة هل من مزيد من المشركين وتظل تنادي وتقول هل من مزيد حتى يأذن الله جل وعلا أن تمتلئ ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب حتى يضع رب العزة فيها قدمه ويضع بعضها إلى بعض وتقول قد بعزتك وكرمك قال جل وعلا ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد عباد الله الناس يتفاوتون في العذاب في نار جهنم وصف معين من الناس بحسب ظنونه وجهنم بركات. قال جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته أي إلى جبينه، ومنهم من تأخذه النار إلى رقبته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وفي الصحيحين أيضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه، في أخمص قدميه أي النحر، في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. القمقم آلة يسمى يعني عندما القرع بالقمقم. وفي لفظ: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشريكان وشريكان للنار وشريكان للنار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. واعلم يا عبد الله أن لحظات قليلة شراكان النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. واعلم يا عبد الله أن لحظات قليلة في نار جهنم تنسي العبد كل نعيم ورخاء في هذه الحياة الدنيا. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق في النار سبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هذا بذل عباد الله الذي كان منعما في الدنيا قصور أموال طائلة أنساه شقاء العذاب. كل نعيم عاش في الدنيا، بل إن الكافر المجرم يتمنى أن ينجو من عذاب النار وليس بناجي ولو قدم لله جل وعلا من الأرض ذهبا. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نعم. donc le cheikh dit: serviteur d'Allah, nous louons Allah qui nous a réunis sur son obéissance. Il est rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas des gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah récitant le livre d'Allah et l'étudiant les uns avec les autres sans que les anges ne les entourent, que la clémence, la tendresse, la miséricorde ne les enveloppe et que la quiétude ne descende sur eux. Louange à Allah qui nous a guidés à cela, et s'il ne nous avait pas guidés, nous n'aurions pu concrétiser cela. Le sujet, comme vous avez entendu donc, traite du châtiment de l'enfer et des délices du paradis. Selon Anas, radiyallahu anhu, il dit, la plupart des invocations du messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, étaient « Rabbana atina fi dunya hasana »« Seigneur, donne-nous dans la vie mondaine une bonne action » ainsi que dans la vie dernière une bonne action « Waqina adab an-nar » et protège-nous du châtiment du feu. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur enseignait cette invocation, l'invocation que je vais citer maintenant, comme il leur enseignait le Coran. Allahumma inni a'udhubika min adhab jahannam. Allah, je te demande protection contre le châtiment de la géhenne, de l'enfer. Et je te demande protection contre le châtiment de la tombe. Wa'udhubika min adhab al-qabr. Wa'udhubika min fitnati al-masih al-dajjal. Et je te demande protection contre la tentation du faux messie, l'antéchrist. Wa min fitnati wa'udhubika min fitnati al-mahya wal-mamat. Et je te demande protection contre la tentation de la vie et celle de la mort. Il est cité dans le verset, dans la sourate numéro 25, verset numéro 65 et 66. Rabbana sarif anna adab jahannam, inna adabaha kana gharama. Ça, c'est l'invocation des adeptes ibad al-Rahman, les serviteurs d'Allah. Ils ont cette caractéristique. Sourate 25, verset 65 et 66, ils citent le sens qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vécu ou grandi auprès d'une usine à gaz, dans une usine à gaz, ou bien dans une usine de pétrole, ou ce type de choses où le feu est fréquent et c'est vite inflammable? Ce feu que personne n'a l'audace de s'en approcher, c'est ainsi 1/70 du feu de l'enfer. La chaleur du feu mondain représente 1/70 du feu de l'enfer. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre feu, le feu mondain, représente 1/70 du feu de l'enfer. » Les compagnons ont dit « Ça suffit largement. 1/70 est largement suffisant pour brûler. » Il a répondu « Eh bien, le feu de l'enfer a été 69 fois favorisé par rapport au feu de la vie mondaine. » Le feu s'est plaint à Allah, comme ceci est cité dans le hadith, disant, se plaignant à Allah, disant c'est-à-dire que je me consume moi-même. Le feu a dit, je me consume moi-même. Et donc, ça c'est dans le hadith d'Abu Huraira. Donc, ce qui lui a autorisé, Allah lui a autorisé deux souffles et deux voitures à déplacer, BY960BT et BD642KA, garées sur le parking de la gare, à déplacer absolument. Et il faut que les gens se garent correctement, on en a déjà parlé ce matin. Donc, Hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, Allah a autorisé ou accordé au feu de l'enfer deux souffles, nafasein, un souffle en hiver et un souffle en été. Un souffle en hiver qui se traduit par le froid qu'on ressent et un souffle en été qui se traduit par la canicule ou le chaud qu'on ressent. Dans le verset, Allah a caractérisé les gens de la gauche, ashabu shimal, ima ashabu shimal, les gens de la gauche. Qui sont-ils donc ces gens-là? De la gauche, dans la sourate numéro 56. Ashabu shimali, ma ashabu shimal. Naam. Verset numéro 41, 42, et ce qui suit, sourate 56. Il dit le sens et le genre de la gauche. Que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. Il disait, quand nous mourrons et nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos anciens ancêtres, etc. L'enfer a été cité également dans une autre sourate sous le nom de Saqar. Saqar, wa ma adraka ma saqar. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Sourate 74, versets 26 et 27, le sens, je vais le brûler dans le feu intense qu'on nomme Saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar? Donc c'est un des noms de l'enfer. C'est également ce que l'on appelle, que vous connaissez inshallah tous, Al-Hutama. Al-Hutama. Wa ma adraka ma al-Hutama. Narullah al-Muqada. Sourate numéro 104, versets 5, 6, 7, 8 et 9. Versets 5 à 9. Et qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Et qui te dira ce qu'est? Mais non, il sera certes jeté dans la Hutama. Qui te dira ce qu'est Al-Hutama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux en colonne de flammes étendue. En colonne de flammes étendue. Dans la sourate 104. Son combustible, c'est quoi à votre avis? Il dit, c'est les gens. C'est les gens qui vont être le combustible de l'enfer. Conformément au verset dans la sourate numéro 66, verset numéro 6, le sens, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah lorsqu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Écoute, l'enfer viendra à la résurrection. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a cité que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'enfer viendra avec 70 000 imams. Imam, c'est le... Chaîne. C'est là où... Non, c'est les chaînes. Elle viendra avec 70 000 imams, 70 000 cordes, l'enfer. Et pour chaque corde, il y aura 70 000 anges qui va la traîner. إذا رأتهم سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Dans la sourate numéro 67. On dirait que, yani ce verset-là caractérise, on dirait que l'enfer va se découper, comme on a dit avant, se consumer, elle-même se décomposer, tellement elle est attisée à cause de ce qu'elle, à cause de ceux qui ont mécru et qui vont l'habiter. Elle va voir le jour de la résurrection. Et également, elle va parler. يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour dans la sourate numéro 50, donc un long passage que le cheikh a cité, je vais vous le citer en entier. Et son compagnon dira, voilà ce qui a été avec moi tout près. Vous deux, jetez dans l'enfer tous mes créants. Vous deux, en s'adressant aux anges, jetez dans l'enfer tous mes créants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, le sens, ne vous disputez pas devant moi, alors que j'ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas et n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, il y a une preuve que l'enfer va parler, le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et l'enfer répondra, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Sourate 50, verset numéro 24 jusqu'à 30. Verset numéro 24 jusqu'à 30. Les gens seront dans des châtiments différents. Les gens ne seront pas tous châtiés de la même manière et au même degré. Il donnerait d'ailleurs tout ce qu'il possède. Le mécréant donnerait tout ce qu'il possède et toute la terre remplie d'or en rançon quant au fait de rentrer dans l'enfer. L'enfer, comme c'est caractérisé dans le Coran, elle a sept portes. L'enfer a sept portes, conformément au verset surat numéro 15, verset numéro 43 et 44. Le sens, et l'enfer sera sûrement au lieu de rendez-vous à tous. Il a sept portes. À chaque porte, et chaque porte en a sa part déterminée. Et l'enfer, ce sont des degrés en descendance, dans la quête. Ce sont des degrés les uns en dessous des autres. On a dans le verset, « Innal munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira » Sourate numéro 4. Le sens du verset, « Les hypocrites seront dans le degré le plus bas, dans la place la plus basse de l'enfer, et tu ne leur trouveras pas de secoureur. » L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Certaines personnes auront le feu qui arrivera jusqu'à leurs chevilles, certaines jusqu'aux genoux, certaines jusqu'au front. » Turquma, cherche maintenant. Hein? Turquma. ذكرتنه يصل إلى الكعبين وإلى الح وإلى الركبتين. ترقوة. ترقوة هنا عظام الترقوة. لكو. أي نعم. العنق. أي نعم. عظام الترقوة. نعم. طيب. Donc certains auront le feu qui arrivera jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au genou, d'autres jusqu'au front, et d'autres jusqu'à la hauteur du cou ou de la gorge. Donc, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, rahimahumallah, Nu'man ibn Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne la moins châtiée, la personne la moins châtiée dans l'enfer aura au plus bas de son pied, arsam al-qadam, deux braises de feu. Deux braises de feu. Dans un autre récit, deux sandales de feu et deux lacets de feu. Et quel est le résultat? Son cerveau sera en ébullition. Alors que c'est la personne la moins châtiée dans l'enfer, pour lui, il considérera que c'est la personne la plus châtiée dans l'enfer. Donc, ce n'est que peu de temps qu'il faut à une personne qui est jetée dans l'enfer pour qu'il se rende compte que le délice de la vie mondaine, il l'a totalement oublié. L'imam Muslim rahimahullah rapporte que Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moins châtié dans l'enfer sera trempé un court instant dans l'enfer. Puis on le fera sortir en lui demandant: Hal marra bika na'imun qat? Hal ra'aita khayran qat? Est-ce que tu as déjà vécu dans le luxe? Est-ce que tu as déjà vécu dans le bien, dans le délice, dans le repos, etc.? Il dira: non, par Allah, je n'ai jamais rien vu. C'est pas qu'il n'a pas vécu, mais c'est qu'il a tout oublié. Un court instant dans l'enfer lui a fait tout oublier. Alors qu'il vivait auparavant dans le luxe, dans les châteaux, etc. Le mécréant espérera se sauver dans l'enfer, de l'enfer. Espérera se sauver de l'enfer à ce moment-là, mais ce sera trop tard. Et il donnerait, comme on a cité le verset dans le sourate numéro 3, il aimerait ou il donnerait toute la terre remplie d'or en rançon quant au fait que Allah le prive d'entrer dans l'enfer. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول أي الله جل وعلا فيقول: لو أردت منك أهون من ذلك، أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. بل ويتمنى الكافر عباد الله المجرم وهو يرى العذاب ويذوق طعم العذاب، لو افتدى من عذاب الله جل وعلا بولده، بل ويتمنى أن لو افتدى من العذاب بزوجته، بل يتمنى أن لو افتدى من العذاب بأسرته وقبيلته وعشيرته، بل بأهل الأرض جميعا. يقول الله جل وعلا: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وفي قراءة: نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الكافر المجرم يود لو افتدى يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا بأولاده، بزوجته، بإخوانه، بأصحابه، بل بأهل الأرض جميعا، لينجو هو بنفسه من عذاب الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما يا عباد الله؟ ولما لا؟ وطعام في جهنم نار، وشرابهم في جهنم نار، وثيابهم في جهنم من نار أو نار، وطعام أهل النار الزقوم والضريع والغسلين. الزقوم شجرة خبيثة ثمارها كرموس الشياطين. هذه الشجرة عباد الله تخرج في أصل الجحيم. قال جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حقها كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه أو طعامه. قال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. وقال جل وعلا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نعم عباد الله، الآية كيف تقول أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإذا اشتعلت النار في بطونهم استغاثوا يريدون الماء ليطفئوا هذه النار الملتهبة، فيغاثوا. ولكن بماذا يغاثوا؟ فيغاثوا بماء يحرق الأمعاء ويقطع الأحشاء. قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. لكن بماذا يغاثوا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل وعلا: واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا هو الزقوم عباد الله. فما هو الضريع؟ الضريع شوك ينبت في أرض الحجاز فهم يأكلون الشوكة. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، أي شديدة الحرارة، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا هو الضريع. فماذا عن الغسلين؟ الغسلين هو أسارة أهل النار من قيح وصديد، أي ما يخرج من أجسادهم من قيح وصديد، وهو طعام أهل النار. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى لم يوت كتابه ولم يوت كتابه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليت كانت القاضية، يعني الموت كانت هي القاضية، لا عودة ولا رجوع ولا حياة بعد الموت، يا ليت كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، أين المال الذي جمعه، ما أغنى عنه يوم القيامة، ذهب المال، ذهبت القصور، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما نفعه المال ولا نفعه السلطان، فيقول رب العزة والجلال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما جريمة عباد الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أين الصاحب أين الصديق، ليس له هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون الذين تعمدوا المعصية والذين تعمدوا الكفر والشرك، فطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبارك من جعل لأهل النار من النار ثيابا. يقول جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار، أي مسلسلين مقرنين في الأصفار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. القطران هو النحاس المذاب الذي أريد من شدة الغليان، الثياب من قطران. وقال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من فوق رؤوسهم الحميد يسهر ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا الخروج منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أين من يخرج ولهم مقامع من حيث كلما أرادوا الخروج منها أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهنا عباد الله يستغيث أهل النار بمن؟ بخزنة جهنم. لماذا؟ ليتضرع إلى الله جل وعلا ليخفف عن أهل النار يوما واحدا من العذاب، ليخفف عنهم يوما من العذاب. قال جل وعلا: والذين في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. أهل النار مجانين وقد حكموا على أنفسهم بالجنون لا عقول لهم. قال جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أهل النار لا عقول لهم، مجانين هم يعترفون بهذا. قالوا: كنا نسمع أو نعقل، أي لو كانت لنا عقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم اعترفوا كما يقال الاعتراف سيد الأدلة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولكن يرجعون بخيبة أمل. فينادون على من؟ ينادون على رئيس الخدم، على مالك. قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. انتهى. إذا لا أمل لهم، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وهنا ينادون رب العزة والجلال، فيأتي الجواب من الله جل وعلا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا، اعترافا منهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها. يطلبون الخروج من النار، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهكذا عباد الله يظل أهل النار في النار، في عذاب، في العذاب الخالد، في العذاب المقيم، وينجو من النار أهل التوحيد برحمة رب العالمين وشفاعة سيد المرسلين وشفاعة المؤمنين الصادقين. فنسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. جمال، عندك الحديث القدسي؟ أي حديث؟ في البداية، بداية الكلام، يقول الله جل وعلا لأهون أهل النار يوم القيامة. عندك هذا؟ لا. ما عندك؟ ما كتبته؟ أي نعم، ما كتبته. Frère, si vous pouvez avancer un peu. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. لو أننا كما في الأرض من شيء، أكنت تفتدي له؟ فيقول نعم. فيقول له المولى جل وعلا، فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بشيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. مش الحديث القدسي، صلب دو آدم عليه السلام. Mon frère, il y a un dictionnaire. Les petites rousses. La rousse. La rousse, la, petite, la, petit la rousse. Petit la rousse. Bismillah. Donc, chérie poursuit dans cette conférence-là. Je cite le hadith al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à celui justement qui a la plus, qui a le plus bas châtiment dans l'enfer, il lui dit: si tu possédais la terre en entier, est-ce que tu le donnerais en rançon contre l'enfer? Il dira oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: je te demandais moins que ça, alors que tu étais dans le dos de Adam alayhi salam. Donc tu as refusé, donc tu m'as associé, tu m'as donné quelque associé. Chakran. Jazakallahu khairan. Donc, il poursuit en disant, le kafir souhaitera donner en rançon, le mécréant, kafir c'est le mécréant, souhaitera donner en rançon son enfant contre le châtiment de l'enfer, sa propre femme, sa propre famille, sa propre tribu, ou tout le monde. Et la preuve réside dans la sourate numéro 70, les versets 11 à 18. Le sens, il dit, le sens, bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment en ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassé et thésaurisé. Il dit pourquoi tout cela. Leur nourriture en enfer est de feu. Leur boisson en enfer est de feu. Leurs vêtements en enfer est de feu. On a trois termes qui sont venus. Az-zaqoum, al-bari', al-ghislin. Az-zaqoum, il dit c'est un arbre. C'est un arbre qui est, dont les fruits sont comme la tête ou les têtes de diable. Conformément au verset dans la sourate numéro 37, verset numéro 64. Et ce qui suit après, le sens, c'est un arbre qui... Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? Nous l'avons assigné en preuve, en épreuve, aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. La fournaise est un essai d'enfer. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. Donc on a au début, est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme les têtes de diable. Sourate 37, verset 62, et ce qui suit par la suite. Il dit dans le hadith, Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une goutte de cet arbre-là, une goutte de Zakoum, si une goutte tombait yani, sur la terre, elle rendrait la vie impossible à ses habitants. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui, ce sera sa, à propos de qui, ce sera sa nourriture. Cet arbre-là, ce sera sa nourriture. On a dans le verset, dans la sourate numéro 44, versets 43 à 46, le sens. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Donc il dit, lorsque le feu s'attisera dans leur ventre, ils appelleront, demandant du secours, demandant qu'on les aide, demandant qu'on leur vienne en secours, demandant qu'on leur apporte de l'aide. On va leur apporter effectivement de l'aide, mais quoi comme aide? On a dans la sourate numéro 47, j'ai pas eu le temps de noter le numéro du verset, « وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ » Les adeptes de l'enfer, on va les abreuver par de l'eau qui est brûlante, de l'eau qui est bouillonnante, brûlante, et qui va couper leurs entrailles. On a également dans la sourate numéro 18, le verset numéro 29, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, s'ils demandent secours de l'aide, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate numéro 18, verset numéro 29. Donc il dit concernant al-bari', al-bari', ce sont des épines. Al-bari', ce sont des épines, comme on a dans la sourate Hal ataka hadith al-ghashiya, dans la sourate numéro 88. Le sens des premiers versets. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses, bari', qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Sourate numéro 88, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 8. Par contre, concernant El-Rislin, il dit, donc, c'est la sueur des gens de l'enfer. Ça correspond à le qayh, c'est-à-dire le pu et la sueur des habitants de l'enfer. Conformément à la sourate numéro 69, versets 25 à 28. Le sens. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main, gauche. Il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort, la mort dans la vie mondaine, fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, etc. Donc il dit, il n'y a plus de château, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus d'autorité, et plus rien ne servira. Et tout ce que tu as amassé, tout ce que tu avais, ne te servira plus à rien. Conformément à la même sourate, les versets suivants, versets 30 à 37, le sens, saisissez-le. Les gens de la gauche, c'est quoi leur récompense ou leur rétribution? Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, et le feu de l'enfer. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car ils ne croyaient pas en Allah le Très-Haut. Ils n'incitaient pas à nourrir le pauvre. Et il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Donc on a le fameux mot « wala ta'am illa min ghislin » qui a été traduit ici par le pu. Non. Donc il dit, ceux qui ont fait des péchés volontairement, voici leur rétribution. Ceux qui ont commis la mécréance volontairement, voici leur rétribution. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, béni soit celui qui a attribué des vêtements de feu aux habitants du feu. Béni soit celui qui a attribué des vêtements de feu aux habitants du feu. Et ceci conformément au verset qui est dans la sourate numéro 14, versets 49 et 50, à la fin de la sourate qui est nommée sourate Ibrahim alayhi salam, le sens, et ce jour-là tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Les gens invoqueront Allah, demandant d'alléger le châtiment, ne serait-ce qu'un seul jour. Ils seront dans une telle détresse qu'ils demanderont l'allègement du châtiment. Pas que le châtiment s'arrête complètement, juste un allègement. Conformément à ce qu'il y a dans la sourate numéro 40, les versets 49 et 50, le sens, et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront si, c'est-à-dire les gardiens diront, eh bien priez, et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Votre invocation n'est qu'aberration, elle ne sert à rien, ne sera pas exaucée. Les adeptes de l'enfer vont se juger eux-mêmes et vont témoigner sur leur propre personne. Et ça, c'est le plus grand des témoignages, qu'une personne elle témoigne sur sa propre personne. Ils vont se juger et se caractériser comme étant des gens qui n'étaient pas dotés de raison, des gens qui étaient fous. Conformément à la sourate numéro 67, verset 10 et verset numéro 11, le sens, et ils disent, si nous avions écouté ou raisonner, si on était doté de raison, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Et il est venu également qu'ils vont appeler, ils vont demander au gardien de l'enfer qui s'appelle Malik. Le gardien de l'enfer, l'ange qui s'appelle Malik, alayhi salam, conformément à la sourate numéro 43, verset numéro 77, et ce qui suit, et ils crieront. Les adeptes de l'enfer crieront. Voilà, Damien Malik, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'on leur répondra ce qui est venu dans la sourate numéro 23, à la fin, sourate les croyants, versets 106 à 108. Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Ça, c'est des adeptes de l'enfer. Seigneur, fais-nous en sortir de l'enfer. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, il y a des gens qui vous sont venus auparavant et qui vous ont dit et qui disaient, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde car tu es le meilleur des miséricordieux. Sourate 23, verset 106 et ce qu'il y a après. Donc il dit, seuls les gens qui seront sauvés seront les gens qui sont les adeptes de l'unicité et tawhid, qui n'ont rien associé à Allah Et ensuite, il y a la cause du messager sallallahu alayhi wa sallam à travers donc son intercession à Shafa'a, comme cela est connu. نعم أما الحديث عن الجنة عباد الله فهو حديث طويل ذو شجون إنه حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب الجنة هي دار السلام دار السعادة أعد الله جل وعلا فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله جل وعلا يدعو عباده إلى دار السلام فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فمن استجاب لرسل الله وسلك سبيلهم دخل هذه الدار دار السلام ومن عصى الرسل وسلك سبيل الشيطان دخل النار يقول الله جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فالله جل وعلا يدعوكم إلى دار السلام بل ويأمر ربنا جل وعلا عباده أن يسارعوا وأن يسابقوا إلى دار السلام قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله كلنا قد أيقن بالجنة ويعلم أنه ليس بعد هذه الدار إلا الجنة أو النار ومع ذلك لا نرى مستعدا لهذه الجنة ولا نرى مشمرا لهذه الجنة كلنا يسارع ويتصارع من أجل الدنيا من أجل الدنيا أما الجنة فقد نلنا عنها وطال النوم عباد الله يدعوكم ربكم إلى دار السلام ويأمركم بالمسارعة إليها لأنه من دخل هذه الجنة فهو الفائز حقا قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إياك أن تظن يا عبد الله أن من فاز في الامتحانات أو فاز في الانتخابات أو فاز باستلاب منصب من مناصب الدنيا أو استلاب رئاسة أو وزارة فهو الفائز لا يا عباد الله بل الفائز هو الذي من فاز بالجنة عباد الله أتدرون من هو أول من يدخل الجنة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من يقرأ باب الجنة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم آتنا الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. عباد الله أتدرون من هي أول أمة دخولا إلى الجنة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم يا معشر المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة. متفق عليه، أي نحن آخرون في هذه الدنيا الأولون دخولا إلى الجنة يوم القيامة. وتعالوا معي إلى الله لنستمع إلى كلام الله جل وعلا، إلى كلام من خلقها وهيئها وغرس كرامتها بيده، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رأى الجنة في الدنيا رأي العين وشاهدها مشاهدة العيان. قال جل وعلا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليه ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر عاليهم في قراءة عليهم نعم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق والاستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. في رواية حفص عليهم وفي رواية وصف عليهم. Donc il dit, continuons avec la deuxième partie qui est donc le paradis. Le paradis c'est très attirant, c'est un sujet qui fait vibrer les cœurs. C'est la demeure de la paix, Dar al-Salam. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis ce que lui-même a vu, ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at, ce que nulle oreille n'a entendu, wa la khatara ala qalbi bashar, et ce que nul cœur ou nul esprit humain n'a pu s'imaginer. Allah appelle à cette demeure en envoyant les messagers et en révélant les livres. Celui qui le suit rentrera au paradis. Et celui qui leur obéit, qui les suit, entrera au paradis. Et celui qui leur désobéit entrera en enfer. Allah appelle à cette demeure, on a ce sujet-là, par exemple dans la sourate 6, verset numéro 125. et 100, verset numéro 125, verset numéro 126 et 127. Telle est la voix de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes à des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut, le paradis, auprès de leur Seigneur. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Donc il dit, Allah appelle à s'empresser dans les bons actes. On a dans le verset, « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ » Empressez-vous à conquérir le pardon de votre Seigneur. « وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ » Et un paradis dont la largeur sera équivalente aux cieux et à la terre, préparé pour les pieux. Ça c'est dans la sourate numéro 3. Et maintenant dans la sourate numéro 57, le verset numéro 21, dans la sourate numéro 3 c'est « وَسَارِعُوا » Dans la sourate 57, c'est « Sabiqu ». Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Chacun de nous est sûr et certain de l'existence du paradis et de l'enfer et de ce qu'ils contiennent. Mais on ne voit pas de personne qui s'empresse pour y entrer. On ne voit pas de personne qui s'empresse pour entrer au paradis et qui agit conformément à ce qui est demandé. On se concurrence plutôt pour la vie mondaine et nous sommes endormis. Allah appelle à la demeure de la paix. Celui qui entre aura réellement et totalement réussi. Conformément au verset cité dans la sourate numéro 3, verset numéro 185. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Il dit, ne pense pas que celui qui réussit les examens, ou qui réussit les élections, ou qui a un poste élevé dans la communauté, dans la nation, ou bien qui travaille dans un ministère, etc., ne pense pas que c'est celui-là qui a réellement et concrètement gagné. Le gagnant réel est celui qui aura le paradis, conformément au verset que vient de citer, sur 3, verset 185. Il dit, savez-vous qui est la première personne qui va rentrer au paradis? Il s'agit du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à rentrer au paradis. Dans le hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis le premier à rentrer au paradis, rapporté par l'imam Muslim. Et il dit dans un autre hadith, je vais venir devant le paradis et l'ange va me demander qui est-ce. Je vais dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va répondre, on m'a ordonné de ne pas ouvrir, de n'ouvrir à personne avant toi. Et savez-vous quelle est la première nation qui va rentrer au paradis? C'est la nation du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wa sallam. Dans le hadith, nous avons le récit, nous sommes les derniers sur terre. Et les premiers à rentrer au paradis, ou la première nation à rentrer au paradis. Quant au fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, écoutez attentivement ce que celui qui a créé le paradis a cité dans ce que celui qui a créé le paradis de sa main a cité dans la sourate numéro 76, verset numéro 5 et ce qui suit. Le sens, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et les feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout et offre la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas à la portée de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines un cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. Puis il a donné à une source qui s'appelle Es-Salsabi. Et parmi eux circuleront des gens, des garçons, éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils seront, et ils y seront, et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. Sourate 76, verset numéro 5, jusqu'au verset numéro 22. نعم بعد المغرب نقبل ما تبقى تقريبا خلاص لأن الآن يبقى المغرب إلا بعد دقائق ثلاث دقائق نقف هنا طبعا ما تستطيع طيب أختي أي نعم ولا تبغينا نعمل بعض الأسئلة ها ثلاثة من الأسئلة الآن ثلاث أسئلة وبعدين ماذا يكون بعدين توقف الدين أيوة. المغرب وبعدين بعد المغرب لا يعني نعمل ثلاثة أسئلة أيوة. ثم الأذان الصلاة ثم نطلع نصعد وبعد في مستقبل خاص وبعدين ما في درس لا في درس بعدين السابعة ونصف السابعة ونصف إيش درس خاتمة دور العلماء تبدأ بعد الأسئلة نعم هات سؤال اثنين ثلاثة بارك الله فيكم يا شباب أنا لست متعود بهذه الطريقة أنا لست متعود بهذه الطريقة يعني مثلا نتكلم ثم أقيم أتكلم ثم أقيم ويترجم ولهذا كتبت ما كتبت وعندما أكتب أحيانا ما أرى شيء كثيرا يعني عندي بصر قليل طيب فأنا من عادتي أن ألقي محاضرة ارتجالا نلقي محاضرة ارتجالا ولا أريد يعني أن يقلني أحد لأن لما أتكلم ارتجالا أجد يعني راحتي والكلام يأتي بحمد الله جل وعلا أما إذا كان بهذه الطريقة يصعب علي الأمر لست متعودا أقرأ ثم يترجم أقرأ ثم يترجم أقرأ ثم يترجم لا أنا يعني إيه لما أتكلم تجيبي جميل حتى أصل إلى المحطة المعلومة ما لقى يعني أحد اسمي لأني بهذه الطريقة أتشوش أرتكب يقع الارتباك مش متعود خلوني أتكلم يعني إيه لكن الآن مثلا محاورة في العلماء وفضل العلماء ونظم العلماء وضرب العلماء إن شاء الله في خير إن شاء الله تعالى فنيانا معذرة إذا حصل بعض الزلات أي نعم أن البصر قليل فلما أريد أن أقرأ الزمن الخط يكون يعني إيه كبير كبير حتى أنظر ما إذا كان يعني طيب. Donc le chef dit, j'ai pas l'habitude d'aller de faire des conférences comme ça. C'est nous, Yannick, qu'on l'a obligé pour être franc avec vous, pour pas que les frères qui comprennent le français et qui comprennent pas l'arabe, ils soient déstabilisés. Parce que si la conférence elle dure une heure en arabe, ceux qui sont français, ils vont être distraits. Et le contraire pour le contraire. Mais on l'a obligé, Yannick, à agir de la sorte pour le bien-être de tout le monde. Il dit donc, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. D'habitude, j'envoie tout, je fais tout comme un TGV. Quand j'arrive à la station, je m'arrête et après, les autres, ils traduisent, Yannick. Donc il dit, j'ai pas l'habitude. Il dit... Ish. Gagat alayh ou ish? عندي ابني مريض. الآن ذهبوا به إلى المستشفى. يعني عنده هذا إسهال في البطن ويتقي وحمى وهو صغير 9 أشهر تقريبا فادعوا الله جل وعلا بالشفاء ادعوا الله ربنا يشفيه ويعافيه ولا أسمع إلا خيرا عنه إن شاء الله تعالى. فأنا يعني الآن ألقي المحاضرة ومضطرب يعني النفس, مضطرب النفس نوع الماء, لكن الحمد لله ادعوا له من الله جل وعلا يشفيه. الله يشفيه. آمين. أحسنتم يا زكريا, أنا فاكر اسمك. Hein? Et le cheikh dit qu'il n'a pas l'habitude de faire des conférences comme ça. Il n'a pas l'habitude de faire des conférences comme ça. D'habitude c'est d'un seul coup. Donc il dit s'il y a des petites erreurs ou des paroles qui ne sont pas faites comme d'habitude, parce que comme lui il a l'habitude de parler tout d'un coup, il dit excusez-le, c'est pas volontaire. Et ensuite il a dit que son fils il est malade. Son fils il a 9 mois. Il est malade et il est un peu... il dit, je vous parle et je suis un peu perturbé dans mon intérieur. Il est malade, il était à l'hôpital, etc. Là, sa famille l'a appelé, etc. Donc il dit, je suis un peu perturbé dans mon intérieur. Donc ce qui explique un peu petites erreurs dans les versets, etc. Ouais, je t'arrête, non ? Ouais, je t'arrête. Ça marche pas. Ça marche pas. Inch'Allah, on va s'arrêter là. On comptait faire quelques questions. Mais comme c'est l'heure du Maghreb, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Quelqu'un, un frère, va faire l'adhan. On va attendre 5 minutes s'il y a un micro. Sinon, on va choisir quelqu'un qui a une voix très forte. Comme ça, il va assurer le coup, Inch'Allah. Et donc, on continue à 19h30. Quand vous rentrez, il est bien d'aller au fond de la salle. Et après la prière, il y aura la restauration qui sera ouverte. S'il y a certains qui veulent manger au bois, c'est au fond de la salle ici. Barakallahu fil jami'. Oui, bien sûr. Je crois. Vérifie, Allah alim, c'est l'heure, oui. C'est à quelle heure le Maghreb, Issa? 17. Tu peux faire l'adhan. C'est la question, ça? Salam, monsieur.